Bonjour à toutes et à tous, c'est Alex. Bienvenue sur Radio Gamazo, station 107FM, pour cette 24e chronique de Mélène Histoire de Tatouage. Commençons, comme à l'habitude, par un rapide résumé de la chronique précédente. Dans celle-ci, nous avions commencé à parler de la modification corporelle, avions poursuivi par le tatouage à l'encre invisible, aussi appelé encre UV, black light ou encore fluorescent, et avions terminé avec le motif du chat et ses significations. Pour cette nouvelle chronique, nous continuerons de parler de la modification corporelle, en nous intéressant à l'origine et à la signification de cette dernière. Continuerons avec un style de tatouage, et finirons avec un motif et ses significations. Il est temps de démarrer. Comme on l'a vu dans la chronique précédente, une modification corporelle est une transformation localisée ou étendue, réversible ou non, du corps d'un individu. Ce sont des pratiques qui remontent au paléolithique supérieur et qui étaient traditionnellement associées à des rituels socio-initiatiques, propitiatoires ou votifs. Cependant, quelle est l'origine exacte de la signification de la modification corporelle? C'est ce que nous allons voir. Claude Chipeau a écrit dans son livre sorti en 1990 « Des mutilations, déformations, tatouages rituels et intentionnels chez l'homme, une histoire de mœurs ». Au cours de son histoire, guidée par ses croyances et servie par une imagination fertile, l'homme en est venu à altérer volontairement son image corporelle de façon permanente, allant même jusqu'à l'automutilation. Comme dit précédemment, c'est une pratique qui remonterait au paléolithique supérieur, comme en témoignent au moins les sépultures contenant des squelettes aux crânes déformés, suivant des techniques variées selon les régions du globe. Une nouvelle fois, selon Claude Chipeau, si l'on admet que, pour une longue période préhistorique puis proto-historique, la grande majorité des mutilations rituelles est connue, leur motivation appelle surtout des hypothèses. Les vestiges de ces mutilations sont les messages d'un comportement, mais faute de preuves, ces messages peuvent être diversement interprétés. Ces pratiques auraient débuté par des interventions cutanées superficielles. Par la suite, elles se seraient diversifiées et étendues sur toutes les parties du corps, et généralement dans le sens d'une exagération de la pratique initiale. Du labré au plateau, du point tatoué au tableau vivant, de l'excision de capuchon clitoridien à la fibulation, etc. D'après encore l'anthropologue Claude Chipeau, il existe sous chaque mutilation une intention mystique qui permet à l'homme d'exprimer par des rites sacrificiels sa croyance en une influence extérieure responsable de son destin. Ces rites qui étaient d'abord marqués par des sacrifices humains auraient évolué vers la mutilation et la motivation mystique du geste qui était intégrée à des rites de passage de forte valeur sociale via la douleur surmontée du sacrifice qui marquait l'entrée dans la communauté. Mais il faut savoir que dans tous les cas, l'inventivité des opérateurs et le souhait de se distinguer à l'intérieur du corps social ont favorisé le développement des pratiques à visée esthétique, confirmant à leur tour l'appartenance au groupe. Longtemps, les pratiques de modification étaient liées à une conscience collective qui obligeait un individu à s'intégrer au groupe. Et, dans la période moderne, l'être humain tend à travers ses pratiques à cultiver et mettre en valeur son individualité. Sans négliger la pression du milieu, la mode, il obéit plus à une pulsion personnelle qu'à son environnement lorsqu'il a recours à ces dernières, ce qui lui permet de répondre ainsi à des désirs et des besoins qui lui sont propres. En ce qui concerne les sociétés traditionnelles, les modifications corporelles scandent les étapes que parcourt l'individu au sein du groupe. En Occident, la pratique perd de plus en plus cette signification, pour devenir des démarches individuelles et des objets de curiosité. En fonction des cultures, la modification corporelle peut ne pas avoir la même signification. Pour certaines, cela peut signer l'intégration à un groupe, pour d'autres, au contraire, peut exprimer un refus et susciter le rejet. Toutes ces pratiques, la scarification, le marquage au fer appelé branding, l'automutilation appelée cutting, les implants et les tatouages sont controversés en raison de leur caractère délibérément inutile et revendiqué comme tribal. Elles seraient une réaction à l'homogénéisation de l'apparence en Occident. La parution périodique du Tattoo Time de 1982 à 1993, dirigée par Don Eddie Hardy, une marque de vêtements fondée sous licence en 2004 par Christian Odiger, a marqué le début d'une véritable renaissance des modifications corporelles dans les sociétés occidentales à l'époque contemporaine. D'ailleurs, des musées consacrent aujourd'hui une partie de leur salle à la modification corporelle, et notamment le Lyle Turtles Tattoo Art Museum à San Francisco. Concernant la chirurgie plastique, il est désormais socialement admis de vouloir modifier son corps chirurgicalement, en vue de masquer les modifications liées au vieillissement ou de se rapprocher des critères de beauté variables selon les cultures. Les effets de la chirurgie, dans ce cas, n'ont pas pour but d'être vus en eux-mêmes. Ils ont plutôt pour fonction d'accroître les caractéristiques de certaines parties du corps ou d'en changer l'apparence pour se rapprocher d'une norme. Tout cela est l'objet de la chirurgie esthétique, une branche de la chirurgie plastique. Le but de celle-ci est d'améliorer l'apparence de l'individu sans que cela ne réponde à des besoins réparateurs. L'on peut citer comme exemple le lifting, la liposuction, les implants capillaires et la rhinoplastie, etc. Comme on a pu l'entendre, bien que à la base, les modifications corporelles étaient culturelles et servaient à se faire intégrer à un groupe, cela a de nos jours changé et a donné naissance à plusieurs branches, si on peut dire. Dans la chronique suivante, nous verrons la modification corporelle dans les religions. Passons à la deuxième partie de la chronique, un style de tatouage. Le style du jour est le tatouage 3D. Comme vous le savez maintenant, le tatouage classique connu dans les sociétés antiques a connu d'énormes améliorations, aussi bien au niveau du matériel utilisé que des techniques. Tous ces progrès ont donné naissance à un style de tatouage, le tatouage réaliste 3D. La réalisation d'un tatouage en 3D est considérée comme une vraie réussite dans l'univers du tatouage, d'autant plus que les motifs sont impeccablement mis en relief et, comme vous l'aurez deviné, en 3 dimensions. Consistant à graver sur la peau des dessins, des inscriptions ou des symboles, le tatouage réaliste 3D explique le grand fossé qu'il y a entre ceux de l'Antiquité et ceux de la modernité. Ce n'est donc pas pour rien que ce modèle de tatouage ait bénéficié de toute l'attention des amoureux des beaux designs. Maintenant, les effets ont leur place dans la réalisation des tatouages par référence aux effets utilisés en graphisme. Solution définitive pour obtenir la beauté et l'esthétisme recherchés en se tatouant, le tatouage 3D est parfait pour toutes ces personnes. Ce type de tatouage occupe une place de choix. En effet, il est aujourd'hui mis en avant par les stars qui ne peuvent pratiquement pas se passer de cette mode. Cependant, l'avènement de ce type de tatouage, de par le choix du motif ou la réalisation du tatouage en lui-même, a perdu tout son sens traditionnel et culturel d'antan. Il existe différents emplacements pour ce style. En général, les personnes optant pour un motif imposant et provocateur vont choisir le dos, la tête, la cuisse ou encore le bras. Concernant les modèles, tout dépendra du futur tatoué. Coloré ou non, il convient de choisir le motif qui se rapproche au plus de sa personnalité. C'est donc un tatouage qui pourra se décliner sous différentes formes, mais avec une réalisation d'optique vraiment époustouflante. Pour citer un exemple, les motifs d'insectes sont parmi les plus prisés. En effet, ils sont tatoués de façon à faire penser qu'ils sont posés sur la peau. Les tatouages biomécaniques, s'ils sont soigneusement réalisés, sont aussi de plus en plus demandés. Ce sont des motifs qui montrent l'engrenage et autres mécanismes sous une déchirure de la peau. Ce qui donne l'illusion que le corps est structuré comme celui d'un robot. On a parlé du style biomécanique dans la chronique numéro 8, c'est pour cela que je ne vais pas approfondir ce sujet. Il est aussi possible de trouver des motifs montrant la peau déchirée par des griffes d'un animal, des scènes d'horreur ou une créature fantastique. Comme vous l'aurez entendu, c'est un style de tatouage très très proche du réaliste. Donc, si vous souhaitez vous faire tatouer un motif 3D, il faudra passer sur le démographe de l'un des meilleurs tatoueurs de France, tels que Tintin, Abraxas, Exotic Tattoo, etc. Libre à vous de faire vos recherches afin de trouver le meilleur tatoueur qui vous conviendra. Et voici la dernière partie de cette chronique. Un motif et ses significations. Le motif du jour est le pistolet. Aujourd'hui, la pratique et la symbolique du tatouage ont considérablement évolué. Mais la raison pour laquelle on veut se faire tatouer ne change pas, c'est de marquer des autres. Parmi les tatou tendances, on retrouve le pistolet. Le pistolet est une arme de poing représentant un encombrement et une masse réduite qui peut être portée en permanence sans trop de gêne. Il est utilisé par différents domaines, comme la police, la gendarmerie, la DST, etc. Aujourd'hui, de nombreux débats sont suscités via la quantité d'armes en circulation et leur utilisation. Le port d'armes, interdit dans de nombreux pays, est aussi très controversé. C'est pour cela que, à défaut de les avoir entre les mains, l'on peut les avoir sur la peau. De nombreuses personnes se rendent dans les salons de tatouage afin de se faire tatouer ce motif. Une des premières raisons qui pousse une personne à se faire tatouer ce genre d'objet est une passion que certains vouent au western. En effet, il semblerait que le revolver appartienne au mythe de l'ouest sauvage. Les personnes portant ce genre de tatouage expriment la capacité à être alerte et à pouvoir réagir rapidement aux agressions. C'est un tatouage qui se décline sous différentes formes et diverses couleurs. Cependant, il est fréquemment représenté dans un style old school et à l'esprit vintage. Il est possible de trouver des motifs de différentes espèces, comme le shotgun à canon-scie ou le derringer sur de nombreuses parties du corps, telles que le poignet, le dos, le bras, la cuisse ou encore la jambe complète. Un tatouage qui représente deux coltes croisées est un signe d'une appartenance à un gang. C'est un tatouage qui indique au monde extérieur que la personne est bien préparée et est capable de faire face à n'importe quel problème. Les amateurs de cinéma, quant à eux, n'hésitent pas à se faire tatouer un revolver pour rendre hommage à un héros ou personnage. C'est un tatouage qui est très prisé par les hommes car il exprime virilité et le sexe masculin. En effet, l'arme du cow-boy peut tirer à distance et transpercer ses ennemis. Cependant, les femmes aussi peuvent se faire tatouer un revolver en bas du dos afin d'exprimer une forte attirance.